Monsieur Pépin et Madame Pomme par Philippe Macquet. Chapitre 1er. Monsieur Pépin se tenait près de la porte d'entrée du salon, distribuant des poignées de main à une foule de gens qu'il n'avait jamais vus, et préférant encore cela à certains parents éloignés qui se ruaient sur lui pour l'embrasser de force. Il savait par expérience que les jours de mariage ou d'enterrement, on est la proie de personnes émues qui embrassent mouillées et dont il est malaisé de se défendre. Des couples se pressaient sous la voûte, distraits dans l'aspersion de l'eau bénite, parce qu'ils étaient occupés à reconnaître leur couronne dans le tas des offrandes. À voix basse, poussant son mari du coude, la femme disait enfin « Tiens, c'est celle-là la nôtre. Elle est bien, pas ? Pour 25 francs. Et pas tante. Pourvu que le fleuriste n'ait pas oublié la carte. » Et ils montaient embrasser ou serrer la main selon leur tempérament. Ceux qui redescendaient formaient des groupes dans la rue en attendant la levée du corps. On fumait, on se racontait les potins du jour, le dernier mot d'un auteur Ross. Quelques-uns, on les écoutait peu, parlaient de ce pauvre Pépin, qu'elle était trop bien seule, ou de cette pauvre Élisabeth, si sympathique, qui était vraiment morte trop tôt. On se montrait un membre de l'Institut, très vieux, avec une énorme rosette à la boutonnière. Il est certaines phrases obligées en certains cas, celle-ci par exemple. On dira ce qu'on voudra, les plus malheureux ne sont pas ceux qui s'en vont. À quoi on doit répondre ? Non, ce sont ceux qui restent. Deux des assistants se dévouèrent, et les autres approuvèrent en hochant la tête avec la satisfaction d'être débarrassés d'un cliché qui pèse. Le maître des cérémonies ayant annoncé avec la grâce et la majesté traditionnelle le départ pour l'église, M. Pépin passa le premier et vint prendre place derrière le corbillard. Il marchait le dos voûté, les jambes lourdes. La soie de son chapeau, frôlée dans de multiples étreintes, s'était hérissée çà et là au-dessus du crêpe. Ses gants de suède noir, achetés à la hâte et ou jugés par une femme de chambre, n'avaient laissé entrer que la moitié de ses mains et aux extrémités des doigts pendaient des petites griffes flasques. Ces menus détails sont les signes ordinaires d'une de ces douleurs contenues mais violentes qui écrasent leur homme. Les concierges du quartier, dans le cadre des portes cochères, les voisines étalées sur la barre d'appui des fenêtres, à tous les étages, faisaient faction depuis une heure pour ne rien perdre de ce spectacle nouveau qu'est un cortège mortuaire. De jeunes pâtissiers qui portaient leurs mannes, de jeunes télégraphistes qui ne portaient pas leurs dépêches, s'arrêtaient sur le passage du convoi, la bouche ouverte, intéressés par les plumées des chevaux et les pompons du char funèbre. Les chiens aboyaient sans raison pour aboyer, tandis que les gardiens de la paix, soucieux de faciliter la circulation, forçaient les voitures et les omnibus à s'enchevêtrer dans un fouillis inextricable. À l'église, M. Pépin, épuisé par les émotions, se laissa choir sur sa chaise. Mais sans doute par humanité et pour qu'il ne s'abîmât pas dans ses idées noires, pendant les 50 minutes que dura le service, le même maître des cérémonies le pria du geste, saluant avec sa grâce inlassable, de vouloir bien se lever quand il était assis et se rasseoir quand il était debout. Ce qui ne l'empêcha nullement d'entendre le même air de Stradella qu'on lui avait déjà chanté 1200 fois dans des églises diverses en des circonstances analogues. Le trajet de l'église au cimetière s'effectua sans autre incident que l'arrestation classique du garçon de magasin, qui tient à couper le cortège pour passer de l'autre côté du boulevard. Des amis pleins de sollicitude pour la santé du veuf l'avaient obligé à remettre son chapeau, ce qui leur permettait à eux aussi d'avoir le chef couvert. On ne choisit pas toujours son moment pour mourir, sans quoi Élisabeth Pépin eût quitté ce monde avant ou après le 2 août. Elle s'était montrée pleine d'attention pour son mari pendant 15 ans, et elle eut souffert de voir couler sur ses joues de grosses gouttes ou fraterniser une douleur et une température également excessives. Les dernières prières furent dites sur la tombe ouverte, et M. Pépin serra encore une fois dans le défilé final beaucoup de mains moites et dévouées. Une voiture le ramena chez lui, où s'était installée, sous prétexte de l'assister dans cette cruelle épreuve, une cousine pauvre de province, vieille fille laide, acariâtre et jalouse, laquelle rêvait depuis 48 heures de prendre la place de la morte et se tenait prête à offrir à M. Pépin une vertu notoire laissée pour compte et un désir de luxe soigneusement dissimulé. Elle menait déjà les domestiques en maîtresse autoritaire et commandait, soi-disant pour ce pauvre pépin, des menus délicats. Elle n'aimait pas oser aller jusqu'à la terrine de foie gras, qui est un peu d'œil malgré la note noire fournie par les truffes. Mais elle a vu quelque agrément avec un certain rideau à l'oseille, dont le désir avait longtemps hanté ses insomnies. Monsieur Pépin, comme tous les hommes, plongé dans le désespoir, était hors d'état de contrôler les dépenses vulgaires de la table, au moins pendant les premiers jours. C'était donc un petit avantage pris sur l'ennemi, sur la fâcheuse abstinence à laquelle elle était condamnée en dehors des aubaines passagères, baptême, noces ou enterrement. Monsieur Pépin ne put mettre moins d'une semaine à se débarrasser d'elle. Il dut se racheter, lui abandonner, aux grandes dames de la femme de chambre, quelques robes défraîchies, des chapeaux fanés, du linge hors d'usage, de minces bijoux sans valeur. Il regagna sa taupinière, la rage au cœur, mais le miel sur les lèvres, lui ayant laissé comprendre, dans un sourire dénué de perles, qu'elle était toute à sa disposition pour le jour où il lui plairait de décéder lui-même.